Let us proceed with. Qui pourrait m'expliquer? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Que fait-on à ce monde? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Et qui pourrait me parler? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. De cet univers qui s'effondre. Mais pourquoi ne pas baisser les armes? Pourquoi ne pas pardonner? Pourquoi continuer ce drame? Y'en a assez. Pourquoi ne pas baisser les armes? Pourquoi ne pas pardonner? Pourquoi continuer ce drame? Y'en a plus qu'assez, yeah. La vie vaut la peine d'être vécue. La main, le cœur ouvert. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.